Radio. Sérieux, ça passe trop vite, il est déjà 9h, bienvenue sur FG. Wake up, good morning. Greg Dimano, réveille ta radio. Sur la route du boulot, bon courage pour cette nouvelle journée. Allez, mercredi matin, milieu de semaine, si vous manquez un peu de son et de motivation, moi j'ai tout ce qu'il faut pour vous. Bienvenue, c'est la matinale de Radio FG. Dans quelques minutes, c'est Adèle versus Malone et ça, c'est une exclue FG DJ Radio. La matinale FG. Greg Dimano, réveille ta radio. L'essentiel de l'actu de ce mercredi matin. Anthony, bonjour. Salut Greg, salut à tous. Une adoption importante hier soir à l'Assemblée nationale. Elle concerne le cancer du sein, cancer le plus fréquent et le plus meurtrier chez les femmes. Les députés ont adopté une loi qui va améliorer la prise en charge des soins pour les femmes victimes d'un cancer du sein, car il y a un reste à charge souvent élevé pour les patientes, estimé à environ 1 400 €. Le texte va pouvoir entrer en vigueur. Les inondations, notamment dans le sud de l'Ille-et-Vilaine, et l'état de catastrophe naturelle sera reconnu dès que cela sera possible, a indiqué hier la ministre de la Ruralité, Françoise Gatel, alors que 3 départements restent aujourd'hui en vigilance rouge au cru, la Loire-Atlantique, le Morbihan et donc l'Ille-et-Vilaine. Au Proche-Orient, c'est demain qu'aura lieu le 3e échange entre le Hamas et Israël, échange qui va permettre la libération de 3 otages israéliens, 2 femmes de 20 et 29 ans. L'identité du 3e otage devait être dévoilée a priori aujourd'hui, alors que 3 autres otages seront libérés normalement ce samedi. Environ 200 prisonniers palestiniens à l'inverse seront libérés cette semaine. Pour l'heure, il reste 87 otages, dont 2 Français, toujours détenus par les terroristes palestiniens depuis bientôt 16 mois. 8 otages parmi ceux qui doivent être libérés dans cette première phase de trêve sont annoncés morts par le Hamas. La guerre en Ukraine, et Volodymyr Zelensky estime à présent que Vladimir Poutine a peur de négociations sur la fin du conflit. Il a peur des dirigeants forts et fait tout son possible pour prolonger la guerre, a indiqué le président ukrainien en réponse à la sortie un peu plus tôt dans la journée de son homologue russe. Vladimir Poutine se disant prêt à des pourparlers, mais rejetant toute négociation directe avec Zelensky qu'il juge illégitime. Le mois prochain marquera les 3 ans du début de l'offensive russe en Ukraine. L'actu sport à présent, le foot avec cette grande soirée Ligue des Champions. 18 matchs au programme ce soir. soir avec des enjeux bien différents pour les quatre clubs français. Le Paris Saint-Germain, c'est le moins bien classé qui se déplace à Stuttgart pour terminer cette phase dans les places de barragistes pour les 16e de finale. Monaco, Lille et Brest sont déjà, eux, assurés de jouer ces 16e, mais peuvent espérer même une qualification directe en 8e de finale. En cas de succès ce soir, une soirée marquée par la rencontre entre Brest et le grand Real Madrid au stade du Roudourou dans la ville de Guingamp. La météo à présent rappelle donc cette vigilance rouge au cru, toujours dans les trois départements concernés, l'Ille-et-Vilaine, le Morbihan et la Loire-Atlantique. Pour le reste, des éclaircies principalement sur le quart sud-est. Ailleurs, ce sera encore bien gris sur le territoire. Ce matin, côté température, 6 degrés en ce moment en Ile-de-France. On a 5 à Lyon, 10 à Marseille, 7 à Reims, à Strasbourg et à Rennes. Et dans l'après-midi, ce sera encore bien couvert avec un peu de pluie par moment à Paris et à Caen avec 8 degrés. On aura un temps nuageux à Toulouse avec 11, à Perpignan aussi avec 15 degrés. Enfin, des éclaircies du côté de Marseille avec 14 degrés. Merci beaucoup Anthony, passez une très très belle journée et je vous salue ce matin du côté de Monaco. Vous nous écoutez sur le 96.1, la même fréquence que la Côte d'Azur, Nice, Cannes, Monaco. Allez, on continue la matinale. Adèle versus Malone, et ça c'est une exclu FG DJ Radio. Version exclusive FG. Adèle versus Malone. Set fire to the rain late at night. Rum G et Riviera Edit. Introuvable sur les plateformes de streaming, mais dispo sur FG. FG. DJ Radio. La musique que vous n'entendez pas ailleurs. On n'est pas bien sur FG avec ce genre de pépite. Tom Odell, à l'instant, un Never Love, le remix. Allez, pour la suite, James Hype qui se prépare. Sonaba également. Je vais au Offenbach dans une petite poignée de secondes. Mais ce que je vois tout de suite maintenant, les cadeaux. Et on y va. La matinale FG. Info ou un fake? Et ce matin pour les cadeaux, alors, la localisation, c'est Nantes, Tours, Angers. Et je suis avec Stéphanie ce matin. Bonjour Stéphanie. Bienvenue. Bonjour Greg. Où habites-tu exactement? Bien. On n'arrive pas à te localiser, Stéphanie. Le Lude, il y a un superbe château à Le Lude qu'il faut venir te voir et visiter. Ben, je vais venir te voir, tu sais pourquoi? Parce que je vais t'offrir déjà un an d'application sur Voix la Chef, la meilleure application pour faire de la pâtisserie et viennoiserie, en plus des recettes des plus grands chefs. Donc je viendrai visiter le château et tu me feras quelques petites pâtisseries. Avec grand plaisir. Il est bien mon métier hein, quand même, j'ai beaucoup de chance de vous avoir, la famille FG. Bon, ma chère Stéphanie, trêve de bavardage et de plaisanterie, on démarre un faux ou un fake. Je vais te poser trois questions insolites et je t'autorise une erreur. Ok pour toi? Ok. Allez, on démarre. Un faux ou un fake? En 2024, l'emploi, donc le job le mieux payé au monde, eh bien c'est chirurgien. À ton avis, un faux ou un fake? Alors, c'est une étude, hein. Ils ont fait une globalité de tous les boulots. Et en 2024, paraît-il, le mieux payé, c'est chirurgien. T'en penses quoi? Un faux. Ouais, c'est une bonne réponse. Avec un salaire de 200 000 euros par an, c'est le meilleur emploi, donc chirurgien, suivi par anesthésiste, 160 000 euros par an, et ensuite directeur financier, 150 000 euros par an. Toi et moi, on ne fait pas ces métiers-là. Hein. Ça se serait, sinon. Non, on ne fait pas ces métiers-là, mais c'est normal d'être aussi bien payé quand on a la vie des jambes. C'est exactement ce que j'allais dire. Et puis, pour le nombre d'études que tu vas faire, c'est vrai que c'est important d'avoir quand même un très, très bon salaire. Et quant à la vie des gens en main, effectivement, c'est mérité. Un bon point. On continue. Je te parle de la pistranphobie. Un faux ou un fake, la pistranphobie, c'est la peur des armes et notamment des pistolets et des revolvers. Un faux ou un fake? Un fake. Bien joué, non, tu t'es pas fait avoir. En fait, c'est la peur de faire confiance à une nouvelle personne en raison d'une expérience passée qui, elle, ne s'est pas bien passée. Donc, bien joué. Pistophobie, c'est ça. Ouais. Bon, c'est gagné, on se fait la dernière pour la route. Allez, go, info ou un fake. Le morceau de musique le plus shazamé en une journée, c'est celui de The Weeknd avec Starboy featuring les Daft Punk. Est-ce que c'est ça, le morceau le plus shazamé sur l'application, évidemment, Shazam? Ah, faux. Non, c'est un fake. Alors ça a pu l'être, The Weeknd avec Starboy et Daft Punk, ça avait cartonné, mais depuis la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, le nouveau morceau le plus shazamé, c'est Night Call de Kavinsky, qu'on diffuse beaucoup sur FG. C'est vrai, et il est superbe. Il est bien avec Angèle et donc j'ai oublié l'autre personne, mais en tout cas c'est une super nouvelle version qu'on vous diffuse avec grand plaisir. Bah écoute, bravo, hein, t'as fait une belle performance ce matin, ce qui me permet de t'offrir tes invitations pour Electro Symphonie. Tu voulais la date de Paris, hein, c'est bien ça? Oui, exact. Eh bien réserve ton 24 mai rendez-vous à l'Arena Grand Paris pour le tournée et la tournée, le concert Electro Symphonie avec The Lords of the Sand. T'as deux invitations, tu y vas avec la personne de ton choix. Je te rajoute également un ballotin de 500 grammes de chez Jeff de Bruges à l'occasion de la Saint-Valentin. Et puis, petits chocolats qui font du bien. Et puis, tu en voulais, voilà l'abonnement, voilà chef. 100 euros d'abonnement, un an de pâtisserie. Et tu vas être au top, hein, parce que tu vas réaliser des pâtisseries, des viennoiseries qui sont en fait des recettes des plus grands chefs français. Donc, j'ai hâte de venir chez toi pour les goûter. Bah, avec des grands plaisirs. Très sympa. Merci d'être passé me voir, ma chère Stéphanie. Je te souhaite une bonne journée chez toi. C'est moi qui te remercie, Greg. À bientôt. Et à très vite. Bye bye. Salut. Exclu FG. Les sons de demain sont déjà sur FG. James Hype. 7 seconds. House. Dance. Electro. FG. DJ Radio. Sur les plateformes de streaming, mais dispo sur FG. FG. DJ Radio. La musique que vous n'entendez pas ailleurs.